Chapitre 237. Le mérite de bien traiter les esclaves. Allah Ta'ala dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Sourate 4, verset 36. 1360. Al-Ma'rour ibn Suwayd relate ceci. J'ai vu Abu Dharr, radiallahu anhu, portant un vêtement identique à celui de son esclave. Je lui en ai demandé la raison. Il me répondit que du temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il injuria un homme en s'attaquant à l'honneur de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui dit alors: « Ô Abu Dharr, tu as gardé certains comportements d'avant l'islam. Jahiliya, vos domestiques sont vos frères qu'Allah a mis sous votre main. Que celui qui a son frère musulman sous sa main le nourrisse de ce qu'il mange et l'habille de ce qu'il porte lui-même. Et ne le chargez pas de ce qui est au-dessus de ses forces. Si vous devez le faire, alors aidez-le. » Al-Bukhari et Muslim. 1361. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: « Lorsque le serviteur de l'un d'entre vous lui présente son repas et qu'il ne l'invite pas à s'asseoir avec lui, qu'il lui tende au moins une ou deux bouchées en se souvenant que c'est lui qui le lui a préparé. » Al-Bukhari.